belle jeunesse, tous ces tapis à terre, cette odeur de tendresse, ces vagues sur la mer, ces rires qui se font larmes, ces enfants réunis, le temps qui rend les armes, cette longue et douce nuit. Mes mots qui postillonnent, mes amours, mes idées, mes printemps, mes automnes, mes saisons avortées. Et je retiens mon souffle, pourquoi suis-je troublé? Une voix qui me souffle, veux-tu prendre du thé? Mat café, ça fait du mal de vous quitter. Comme c'est beau la jeunesse, quand elle est rassemblée, vibrante de caresses, pleine de vérité. Je recule mon âge de mes jeunes années, je recolle les pages qui s'étaient déchirées. Mes amis qui musiquent pour mieux m'accompagner, l'accordéon qui gicle des notes d'amitié, et puis ces trois guitares qui jouent à l'unisson, à chaque quai de gare, chante le vagabond. Un mat café, ça me fait du mal de vous quitter. Marseille, cette ville qui me colle à la peau, image qui défile, qui écraine mes mots, des mots que je respire et qui me font du bien. Un seul mot pour vous dire, une seule poignée de main. Tissu oriental, scintille des bougies, cabaret des étoiles, simplicité aussi. Comme c'est beau ce que vous faites, je viens de retrouver un petit air dans ma tête que j'avais. Mat café, ça me fait du mal de vous quitter. Dans ce train qui m'emmène, je vous écris déjà, je resterai le même, surtout ne changez pas. Comme Django dans nuage, comme la sagesse du fou, quand je perdrai courage, je penserai à vous. Le mat café, ça me fait du bien pour exister.